Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel à votre compagnie, pour vous présenter ce patchwork numéro 52 à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Haïti. Trois coups de chapeau à Jean-Baptiste Nemours, inventeur du genre musical compa. Une promenade en chanson française autour du mot « rhum ». Et le tout étoilé de rythme antillais. Zouk, avons-nous dit ? Ben oui, pourquoi pas ? Et ben on commence par le zouk. Né en France, d'origine haïtienne, Fabiola Shine est une chanteuse de zouk et de compa love. Après plusieurs années à collaborer avec des artistes R&B et à donner des représentations sur la scène de la MJC Sandy, dans le 93, elle prit son courage à deux mains et contacta la très réputée Dan Junior afin de lui faire écouter une démonstration. Séduit par son timbre de voix sensuelle, son don pour l'écriture et sa force de persuasion, Dan Junior accepta aussitôt de produire Fabiola et chante même ensemble, naturellement, Fabiola et Dan Junior. No. Yeah. Dan Junior, Fabiola. Pa ka konprann sa m gen nan mwen pou ou. Si se pa mwen ki di ou, baby, tu sais. Ou même avec moi, je n'ai nous qu'à différent. Si nous mettons nous ensemble, tant de voix moi souplée. Oh oh oh, baby, moi te chercher qu'on est, qui genre de mouillé, avant pour me dire que moi l'aime. Non, non, non, non, non, non, non. Ma balle y avait en tu sais. Moi même, doudou. Moi prêt pour faire tout le bagage. Naturellement. Mwen kwè vraiment mwen fou pou ou. Depi lè mwen kontre ou la, nan ou mwen vle mè tout confiance mwen. Pou mwen bel demè, parle-moi d'amour, j'te dis. Pou fè kè m'kontan, mwen kwè nan tout sa outil mwen. Avec tes mots, mwen kwè chérie mwen fou. La République de Haïti est un pays caribéen situé sur l'île d'Hispaniola, territoire partagé avec la République dominicaine à l'est. Les pays voisins sont donc la République dominicaine, Cuba et la Jamaïque. La population est de 11 millions d'habitants et la capitale est Port-au-Prince. La monnaie, c'est la gourde haïtienne. Il faut savoir que la défaite de Napoléon lors de la bataille de Vertières en 1803 est à l'origine de la République de Haïti, qui devint en 1804 la première république noire indépendante du monde. Haïti est aussi le seul territoire francophone indépendant des Caraïbes. C'est un pays montagneux auquel viennent s'ajouter d'autres lieux et archipels, la Gonâve, l'île de la Tortue, les Cayenites et l'île à Vache. Haïti se trouve dans une zone sismiquement très active et les tremblements de terre de 2010 s'est révélé le plus grand séisme jamais enregistré dans ce pays, 300 000 morts et des millions de sans-abri. Le climat, quant à lui, est tropical et la saison des ouragans s'étend de juin à fin novembre. Et en 2016, l'ouragan Matthew a fait plus de 1000 morts. En Haïti, il existe des espèces endémiques de papillons et d'orchidées. Et puis les gros reptiles sont représentés par le crocodile américain. Religion, 55% se disent catholiques, 28% protestants et 2% vaudous. Le vaudou qui a été reconnu officiellement comme religion en 2003, mais de nombreux Haïtiens le pratiquent tout en se disant catholiques. Ressources naturelles, la bauxite, avec quoi on fera l'aluminium, le cuivre, le carbonate de calcium, en agriculture, le café, le cacao, le sisal, coton, mangue, maïs, riz et fruits. Sur le plan industriel, des composants électroniques, de textiles et le tourisme, Haïti devient un lieu de villégiature pour riches touristes américains. Le salaire moyen mensuel, là ça va pas loin, est de 60 euros et le taux de chômage est de 70%. Mariam Issamli. Just something to swim. Ooh, Premier coup de chapeau à Jean-Baptiste Nemours. Jean-Baptiste Nemours reste l'immortel inventeur d'un style musical qui est aujourd'hui presque devenu synonyme de musique haïtienne. Né à Port-au-Prince en 1914, ce musicien dans l'âme a vite compris dès son plus jeune âge qu'il fallait faire un choix entre son banjo et ses livres scolaires. Ah, il a dû faire le bon. Contredanse numéro 5, Jean-Baptiste Nemours. Allez, ça, les enfants, en avant premier pied. Et pas de l'œil, 8 camarades. Et qu'on fait les sauvages. Pour mettre pas les palais. c'est comme ça, les enfants. Ça en fait des marées depuis la chanson du Rhum des femmes presque tentant. C'est la promenade autour du mot Rhum. Le bateau Soldat Louis, vous vous souvenez, et sa longue traversée semblent loin d'être achevés. Au fil des escales, le personnel à bord a certes bien changé, mais les deux capitaines, Renaud Détressant et Serge Danet, sont toujours là. Alors encore un Rhum, Soldat Louis. Toi, le mot m'écrase un peu, me gueule et toujours mon vieux. Lui, y'a grand-mère qui buvait pas, un pied à terre rattrapait ça, gonflant un peu mon neveu. Pas cool si tu comprends mieux. Pourtant, parfois, je sais pas pourquoi, quand ça le prenait. Il me racontait encore un rhum, et puis un rhum, pour se mettre la tête cap sur ma ville. Patron, serre-moi un rhum, encore un rhum, et puis un rhum, pour se mettre la tête cap sur ma ville. À 14 ans, la mine, 18 ans, encore la mine, coller une tête au contre-maître, pas trop son truc, le genre trou-duc, voyait pas bien l'avenir, pas clean si ça te fait plaisir, dans la marine, on voit autre chose. Y'a des frangines, pas de silicone. Encore un rhum, et puis un rhum, pour se mettre la tête cap sur ma ville. Patron, serre-moi un rhum. Marchande, tous les bordels qui l'attendent. Vas-y que je m'assomme, que je fume l'opium. Je prends des bidules de toute nature. Il aimait ça, le vieux. C'était son trip, si t'aimes mieux. Il se prenait Dieu entre quatre yeux pour qu'il assure en quatre coudures. Sache matelot, que je t'aide d'un cœur mille fois pareil, et que ça rend triste ton grand confesse. Et puis un rhum, pour se mettre la tête cap sur ma vie. Patron, serre-moi un rhum. Que faire en Haïti ? L'île à vache, dans la mer des Caraïbes, une île paradisiaque, sans voiture, une eau turquoise et du sable fin blanc, avec une végétation luxuriante en toile de fond. Eh bien, si vous voulez la voir, l'île de la Vache, c'est très simple. Vous vous rendez soit sur la page Facebook de la cerise sur le canto, soit sur le Facebook de Radio Fagette, et c'est précisément une photo qui a été sélectionnée pour représenter l'émission. Et puis il y a le parc national de la Visite, créé en 1983, dans le but de lutter contre la déforestation en protégeant la flore, les pins et les sapins. C'est dans ce parc que s'y situe le pic de la Selle, le point culminant d'Haïti à 2680 mètres. La côte des Arcadins, la beauté du paysage et ses plages de sable fin, est blanc. Paradis des plongeurs à la recherche de poissons colorés et à proximité des plantations de bananes et des villages de pêcheurs. Jacmel, c'est une ville portuaire colorée, reconnue pour ses richesses artistiques. Le parc national historique dans le nord du pays, avec le regroupement de trois sites impressionnants, la citadelle La Ferrière, au sommet on découvre une vue panoramique à couper le souffle, les ruines du palais Sans Souci, ravagées par les tremblements de terre, et le site fortifié des Ramiers, les ruines d'un fort recouvert de végétation. Le bassin bleu, site naturel dans les montagnes, des chutes d'eau spectaculaires, une végétation luxuriante, des grottes, des arbres fruitiers, bref, un décor enchanteur. La cascade Saumaturine, la grotte Marie-Jeanne, les villages de Kenskoff et de Furcy, la cascade Sodo, l'île de Gonave et les colonies de Flamand Rose, Nappe Marie, Mister Zorno. Chéri, bon promen, ou menem kout maman, lem rive kout maman, madame nan pan troisième, pa po gade cheve, il di rasta pose, kone yo pa kone bébé ki jan ke mouvri pou, si pa pote kon jan te reme ou li ta vame ou malakou, reme, reme. L'argent, bel kayak, belle machine. Bab vin promet ou m'pral fort visiter la France, Dubaï, la Chine. Même ka promet ou m'pral travail di pou m'bo le peu qu'on doit gagner. Mwen ka promet ou m'a fait kèw content chaque jour ma millionnaire. Kone a pa kone boubout ki j'en ai gou fout d'amour. Si maman te kon j'aime te aimer ou li ta vame ou malakou. Vreme. Yeah. Deuxième coup de chapeau à Jean-Baptiste Nemours. C'est lors d'une visite au CAI, commune haïtienne, qu'il découvrit le saxophone. Oh, il le perfectionnera plus tard. Et il fit la connaissance du musicien Weber Scott. Avec ce dernier, il créa l'ensemble au Calebasse, qui devint l'ensemble Nemours-Jean-Baptiste. Et puis, en 1961, Weber Scott se sépara de Nemours, Jean-Baptiste, et créa son propre orchestre, Cadence Rampa. Alors là, il y a eu une polémique musicale qui naquit entre les deux formations, et elle atteint son point culminant en avril 1964 avec un match de musique et de football où les deux groupes s'affrontèrent à coups de rythme et de dribble. Rythme commercial, Jean-Baptiste Nemours. C'est ce qui est moi qui est fruit, c'est celui en voyez wash, mais si on fait jalousie, c'est vrai. Ne m'enseignons pied mango, entre temps qu'on est tout le temps. Toute la journée soulée. Concurrence c'est belle bagaille, c'est ça pour mon homme travail. Achita fait lui commercial, c'est sa grande original, c'est l'idou bien la paix jouée. Tu ressembles à... Ah oui, mais à quoi? Bah écoutez bien, vous allez trouver. Une bouteille de rhum, c'est interprété par un groupe qui s'appelle Kimorukru. faire bout, la pêche est commencée. On a jeté les cages au sud de la baie. Je vais faire mon quota pour pouvoir tout payer. Arriver à bon port et personne de blessé. Les journées sont longues, il faut pas arrêter. Le métier est dur, mais je voudrais pas changer. S'il y a des bad luck, on est là pour s'aider. On sait qu'en pêcheur, on se laissera pas tomber. Jolie serve, j'ai une bouteille de rhum. Assez à boire pour saouler tous mes hommes. Le bateau au quai, la pêche est terminée. Demain, on aura du temps pour dégriser. À chaque année, je me dis que c'est terminé. Mon corps fatigué, arrivé sur le quai. J'en ai mon quota de main et de pied gelé. Au printemps, on verra si on va recommencer. Jolie serve, je veux une bouteille de rhum. Assez à boire pour saouler tous mes hommes. Le bateau au quai, la pêche est terminée. Demain, on aura du temps pour dégriser. Temps pour se reposer. On mange en Haïti? Bah oui, on mange. Spécialité culinaire haïtienne. D'abord les macaronis au gratin, des pâtes, des pennes, des rigatoni, jambon, poivron, mayonnaise, lait et parmesan. La technique de cuisson haïtienne joue un rôle très important dans la réussite de cette spécialité. Le poulet aux noix de cajou, avec le condiment pique-lise, une cuisson lente. Les morceaux de poulet sont marinés toute la nuit, avec un mélange d'herbes, d'épices, noix de cajou, oignons, poivrons, et un mélange de légumes, une sauce épaisse à base de tomates. C'est un plat qui s'accompagne de riz. Le lambi, des fruits de mer, des conques cuites, comme dans un ragoût, avec une sauce à base de tomates. Griot, du porc frit. Un plat de rue, populaire, des morceaux de viande de porc frit et mariné, herbes et épices, bananes plantains, vertes et frites, accompagne de riz et d'une bouteille de bière bien fraîche. Le pain de maïs, un pain sucré, c'est un dessert. Cuit au beurre, sucre, semoule de maïs, lait de coco, noix de muscade, purée de banane, extrait de vanille et rhum haïtien. Mayi moulène ak zépina, l'ai-je bien dit. Semoule de maïs aux épinards, du riz, des épinards frais sautés, oignons et tomates, du maïs grossier et bouilli, brassé pour obtenir une semoule lisse et moelleuse, servi au petit-déj. Avec des tranches d'avocat, bon appétit. Le lalo légumes, des feuilles de jute, cuites avec ou sans viande, mélangées avec des fruits de mer, le crabe bleu ou du bœuf, et servies avec du riz cuit à la vapeur. le bouilli blé, bouilli de blé boulgour, lait, beurre, noix de muscade, extrait de vanille accompagné de tranches de fruits frais. Banane plantain, verte et frite, coupée en morceaux, écrasée et servie à l'apéritif. Et puis le pain de patates douces et de noix de coco, du lait, du sucre, du lait de coco bien sûr, des raisins secs, cannelle et muscade, avec une boule de glace, vanille, et, oui, ou de la crème fouettée. Zeptima, Haïti. Zanjou, nous toutes ces zanjou, dont j'embarrasse moins. Zanjou, nous toutes ces zanjou, dont j'embarrasse moins. Dans ma langue et dos, Aïda et dos, nous toutes ces zanjou, dont j'embarrasse Troisième coup de chapeau à Jean-Baptiste Nemours. Le départ pour les États-Unis de Jean-Baptiste Nemours à la fin des années 60 signa la fin de la formation musicale. Devenu aveugle, l'artiste mourut le 18 mai 1985 à New York. Jean-Baptiste Nemours, reste et demeure le père incontestable du compas, musique rythmique et populaire qui aujourd'hui dépasse les frontières haïtiennes. Compas direct, Jean-Baptiste Nemours. Que musique, que en pile gaieté, c'est ça qui fait y'a fait parler. Ensemble, mon gayon cadence, tout le monde y'a qui se balance. Rite la clé, l'ita embrouillé, Raoul dit c'est bagaille sérieux. Quelle nuit! Mais quelle nuit que cette nuit-là! Vous savez, Yves, on en parle, hein, on en parle dans la ville. Pour l'heure, il est fatigué. Hein. Oh, il sombre dans la somnolence. Mais dès que tu l'auras réveillé, si tu veux que ça recommence, donne du rhum à ton homme, Georges Moustaki. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Y'a des filles sur le port, si belles et si gentilles, tout sourire dehors. Sentons la vanille, et un homme n'est pas de bois. Il les regarde d'un œil tendre, si tu veux le garder pour toi. Donne-lui sans attendre. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Oui, mais surtout du rhum, mon Dieu. Non, mais tu verras comme il t'aimera. Il donnera des bijoux, des colliers qui scintillent, qu'il ramène du Pérou, de Cuba, des Antilles. Mais pour te donner de l'amour, faut qu'il se repose du voyage avant de lui offrir à ton tour tous les trésors de ton corsage. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Tout le tonneau de rhum. Quelle nuit que cette nuit-là, voilà. On en parle dans la ville, même on exagérera. Sa tendresse virile, car pour l'heure il est fatigué. Il sombre dans la somnolence, dès que tu l'auras réveillé. Si tu veux que ça recommence. Donne du rhum à ton âme, du miel et du tabac. Et du poivre de Cayenne, mon Dieu. Donne du rhum à ton âme, et tu verras comme il t'aimera. Le dernier couplet, on l'a composé en Corse. Quand il va repartir, te laissant pauvre fille, seule avec le souvenir et le collier de pacotille, au moment de vous séparer, pour des mois de longues semaines, donne-lui bien sûr des baisers. Mais si tu veux qu'il te revienne, mais si tu veux qu'il te revienne, donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme, et tu verras comme il aime. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme, et tu verras comme il aime. Signe de sorte, donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme, et tu verras comme il t'aimera. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Faire cohabiter le chant de Noël, vive le vent, les chevaliers de la table ronde et un hymne au rhum, il fallait le faire. Jean-Paul Assouvi l'a fait, eh bien... Dansez maintenant l'hymne au rhum, Jean-Paul Assouvi. Voici la couronne d'un verre, aïe aïe aïe. Voici la couronne d'un verre. Veri vera, voici la couronne d'un verre. Veri vera, voici la couronne d'un verre. Couronne d'un bouche, voici la couronne d'un bouche, aïe aïe aïe. Couronne d'un bouche. bouche, voici la couronne d'un bouche. Abouchi, bouche, bouche, bouche, voici la couronne d'un bouche. Ouam d'un bouche, voici la couronne d'un bouche, mes amis. Ouam d'un bouche, voici la couronne d'un bouche. Goji, goja, goji, goja, voici la couronne d'un bouche. Abouchi, goja, goji, goja, voici la couronne d'un bouche. Je suis en vie dans ma bouche. Et voilà, l'Iwam pour la bouche. Voici la couronne dans tête, aïe aïe aïe. Voici la couronne dans tête. A tête, tête, à tête, tête, voici la couronne dans tête. A tête, tête, à tête, tête, voici la couronne dans tête. Couronne dans palme, voici la couronne dans palme, mes amis. Couronne dans palme, voici la couronne dans palme. Felipe la pali, voilà, voici la couronne dans palme. Felipe la pali, voilà, voici la couronne dans palme. Ils ont dit fait pris dans ma gorge. Et ils ont dit fait rabriller moi. Et ils ont dit fait dérailler moi. Et moi si bientôt et rabriller moi. Et ils ont dit fait pris dans ma gorge. Consommer seulement avec modération. Chevalier de la table ronde, où ton voix le rhum est bon. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à bon plaisir. J'en boirai. J'en boirai jusqu'à bon plaisir. J'en boirai, oh j'en boirai. J'en boirai jusqu'à bon plaisir. Répondez-moi. Vous voyez qu'on arrive à faire cohabiter un chant de Noël, une chanson à boire, et puis tout ce qu'on veut. Eh bien oui, il y arrive. Allez, nous sommes partis à Haïti. Que rapporter de Haïti ? Des peintures et des peintures. Des couleurs exceptionnelles, de différents styles, plus ou moins encadrés. Et tout ça, ça fait penser à Jean-Michel Basquiat. Mais Jean-Michel Basquiat, il n'était pas haïtien, il était américain. Du fer forgé peint, un masque original, des chapeaux traditionnels, ou même le drapeau du pays. Mais surtout, n'oubliez, alors sous aucun prétexte, surtout une bouteille de rhum à consommer avec modération. Un groupe haïtien qui s'appelle Lord's Power Chorus, et qui va nous chanter une chanson un peu particulière. Et ils ont fait appel à une chanteuse française. Allez, vous allez bien écouter et vous allez essayer d'identifier la chanteuse française. À mon avis, c'est pas dans la poche. Tu n'as pas quitté mon cœur. Les lames moun te commencé, tout moun te pensé, m'te just des timoun ka trip. Nous t'es naïf, même t'es toujours bat pour faire sa grip. Laisse ça, sous tes crack, m'ta pauvre dos, sous tes clairs, m'ta sous chaque jour, sous tes la journée, m'ta poncé, sous tes l'ennui, m'ta plouga ou c'est ou m'ta prenne pomme, sacré les chairs de poule. Ou dis m'pape obstacle, tes doigts devant par en chaîne de cool. Cool, m'bre de fait love, nan la grille, moun ka passe, yo dit, oh oh, gat les grimaces, yo qui ratio, yo portre ma chaîne pépé curasso, nous tout d'être fou, c'est pour ça m'te doué tout, pas donne ou les ou t'es trop nom, pas doué nan air pour aider pour d'un nom, pas de laisser ou aller son tout man à réaliser. Passez pas j'aime présent et si ou man pas j'aime ensemble encore, passez journée ensemble, gade j'ai si pas ensemble encore, séparation nous pote la peine, baby ou met quem, mou ka quitte zone, non quitte avec mon pas j'aime quitte quem, my love ya, my love ya. J'étais loin. Solo bito vin que tout bre djen ta vle koute. Nan vi mou pap jam ka deten, même si doudou ta dégoûté. Pas de koute moun le ou te kon ap di mou pa fait pour moi. Depin kite ya même 14 février pa fait pour moi. Dou moi tellement kon fachem kon même relo pen bèche. Mais ou te stil la pou moi, ta fo te stil la pou pechèche. Ouais. Dou m'te fait tout ça m'kapap pou sa changer. M'te vle fort kite vis ou même si m'kone gwo dal danger. La dan mais c'est ou m'te toujours vrek pou madame moi. Pour love ta donne non, ta non mais non. Bon condition, non non pour tout ça pou esprit. Si c'est moi coupable, du j'aime, pardonne, même si m'connais. Passez le pape, j'aime présent et si on m'en pape, j'aime ensemble encore. Passez journée ensemble, gardez, j'ai si frère ensemble encore. Séparation nous pote la peine, mais vous mettez quoi, mou, qu'à quitter zone, non, quitte avec mon pape, j'aime quitter Kem, still love, yeah. Still love. J'étais loin. Ben voilà, c'est perdu. C'est perdu, nous avions mis en jeu un voyage en Haïti. Le téléphone au milieu de la salle, au milieu de la table. Et malheureusement, il est resté muet. Oh, c'est pas de chance. Vous avez sans doute reconnu tous. Oui, bien sûr. Mireille Mathieu. Ben oui, quand on vous dit qu'elle ne danse, qu'elle ne chante pas de rap, de musique urbaine, hip-hop et tout, ben c'est pas vrai, elle chante. Eh bien, c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 52 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés. Vous retrouverez bien sûr le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Le prochain Patchwork, ben, ça sera dans 15 jours. Mais nous serons là dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux